salut les gens. Aujourd'hui, c'est la première émission de Radio Sira qui sort sur les ondes, enfin sur YouTube surtout. Moi, c'est Pi, on s'est déjà peut-être croisé en jeu et c'est principalement moi qui vais animer l'émission, du moins toute la partie interview, etc. etc. Nous avons beaucoup teasé le lancement de l'émission et l'ensemble du projet. Nous sommes donc très très contents de l'engouement qu'il y a eu sur le serveur, avec vraiment plein de volontaires pour aider, pour participer et faire vivre un petit peu nos émissions. Nous avons déjà reçu l'aide de pas mal de monde, dont des personnes qui font des montages, des choses, des sons vraiment super top. Donc restez avec nous pour pouvoir écouter un petit peu tout ça. Pour commencer, on va faire une émission aujourd'hui spécialement dédiée à la sortie de la Mage 23, qui arrive très bientôt et qui est actuellement sur le serveur test de l'Otro. Donc si vous ne voulez pas être spoilé par tout le contenu de cette mise à jour qui va arriver, ben je vous conseille de ne pas écouter l'émission, voilà, tout simplement, parce qu'il va y avoir beaucoup d'images, on est aussi un petit peu des images, on n'est pas qu'une radio, on est un peu une télé aussi. Beaucoup d'images et même dans tout ce qu'on va dire, pas mal de petites choses pour en apprendre plus sur cette Mage. Donc voilà, pas de spoil, pas d'émission. C'est la fin de cette petite parenthèse, je vous laisse avec le direct en espérant que ça continue très très fort de votre côté aussi. Je vous remercie à tous, bonne émission. Pour parler du nouveau contenu à venir, j'ai le plaisir d'accueillir Kaels avec nous. Bonjour Kaels, comment vas-tu ? Et bonjour, ben écoute, ça va très bien. Super. Alors nous, on te connaît déjà tous forcément comme le rédacteur en chef de Jol Lotro, hein, ça fait quand même quelques années maintenant. On te connaît aussi sur Cyrano comme dépanneur officiel de un petit peu tous les problèmes techniques qu'on a en jeu quand on fait les frais. Mais on te connaît aussi comme distributeur du code de la semaine et ça, c'est quand même pas rien. Est-ce que j'oublie quelque chose dans ton palmarès de trophées, de choses? Non, écoute, ça m'a l'air assez complet. D'accord. Bref, de toute façon, si on a besoin d'une info ou qu'on rencontre un souci en jeu, généralement, on se tourne vers toi. Ça va d'ailleurs, c'est pas trop pesant au quotidien parce que je vois souvent en Canal Monde, on fait appel à toi. Ça m'a l'air d'être un boulot à plein temps quasiment. Et alors, les temps de connexion en jeu, ouais, sont parfois un peu compliqués, notamment quand je suis en raid, parce que, outre le côté visible, monde, tout ça, machin, il m'arrive de recevoir pas mal de MP, et du coup, il y a des fois, je me fais engueuler, j'avoue. Bon, voilà, continuez à embêter Kaels pendant ses raids, ça fait plaisir à sa confrérie, je pense. Bref, on va se tourner à présent vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la mise à jour 23, qui nous fait passer niveau 120. Ça, je trouve que c'est plutôt chouette, après tout. T'es plutôt satisfait de prendre que 5 niveaux ou tu trouves qu'il aurait fallu plus ? Alors, j'ai pas trop d'avis sur la question, dans le sens où, assez directement, on comprend qu'ils font ce level-up vraiment. C'est technique, en fait. C'est juste parce que eux, dans l'équilibrage des classes et dans tous les calculs qu'ils font, ça leur permet notamment d'abandonner d'anciens sets, de repartir un petit peu sur un nouveau truc pour le calcul de leur stat. Et c'est vraiment une montée de niveau technique, puisque bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt si on sort de ça. Bah, c'est vrai que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que 10 niveaux d'un coup, je trouve que c'est vraiment beaucoup, puis c'est pour marquer le coup sur de grosses extensions. Là, 5 niveaux, franchement, en tant que petite joueuse, ça me suffit, quoi. Je me dis, je ferai pas plus, là. Bref, et je lisais ce matin sur les Furets du Condor, je crois que cette mise à jour n'avait toujours pas de nom. C'est vrai, ça ? Oui, dans le patch note, c'est ce qu'ils ont mis, que ça restait à déterminer. Donc, pour nous, on reste sur les montagnes grises, mais ils vont essayer de nous trouver un petit nom sympathique. Oui, j'en doute pas, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné parce que pour le côté un peu comme de la chose, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'annoncer un beau nom et tout qui claque, mais pourquoi pas. Du coup, pour le vif. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis, mais ils sont plus très très bons en fait en matière de com. Hein. Ah, d'accord. De teasers pour tous les fansites. Avant, ils fournissaient avant chaque sortie d'extension un petit kit de presse avec des screens, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, ils sortent plus trop ce genre de trucs. Il n'y a plus genre les visites avec les devs sur Twitch. C'est vrai, avec eux, tout ça, machin. Donc c'est vrai qu'en matière de teasing et tout, ils sont plus aussi bons qu'avant, On sent que l'équipe marketing, il n'y a plus grand monde. C'est ça. Après, c'est le passage à SSG aussi qui a un peu changé le tout, quoi. Après, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup investis avec les streams de Cordovan, quand même, une fois par semaine. Ça doit être déjà pas mal pour eux, comme c'est une petite équipe, quand même, faut le dire. Donc, voilà. Donc, bon, bah oui, on peut comprendre. Mais tant pis, c'est pas grave, on attendra le nom de la mise à jour, comme tout le monde. Et puis voilà, pas d'avant-première pour nous. Du coup, oui, pour le vif du sujet, je te propose un petit peu la chose suivante. On va faire un sujet plutôt sympa, le décor, l'ambiance. Puis on va faire un petit sujet qui fâche et puis on va alterner un peu quand même pour pas que ce soit trop. Parce que oui, il y a des sujets qui fâchent, hein, on va pas se mentir. Alors, notre premier sujet concerne un petit peu le décor de la nouvelle zone et l'ambiance. Alors, comme on le disait tout à l'heure un peu en off, moi je suis allée faire un tout petit tour ce matin sur Bulrower, donc le serveur test, mais j'y suis pas restée très très longtemps. Et toi Kels, c'est un petit peu la même chose, t'es passé un peu en coup de vent, donc voilà, on n'a pas non plus exploré toutes les zones. Mais déjà un petit peu par rapport au décor et à l'ambiance, est-ce que t'as des premières impressions plutôt sur ce que t'as vu, positives, négatives, un avis là-dessus? Alors, un peu comme annoncé, c'est vraiment très nain. On fonce dans la culture naine. Je crois que c'est Severlan qui le dit. Ils n'avaient pas développé autant de contenu nain depuis la Moria. Après, tu parlais de côté négatif. Alors, il faut voir, parce que c'est la version 1 du test, il faut voir s'ils arrivent à ranger les choses pour la 2. Mais en tout cas, là, c'est un. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Je trouve qu'au niveau des textures, au niveau de tout ça, il y a des trucs, tu dis, ça, je l'ai vu à la Moria, enfin, essentiellement à la Moria, effectivement. Et c'est ce que j'avais noté aussi. C'est pas un truc où tu te dis, voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui me refroidit un peu sur sur ce que j'ai pu voir de cette mage. D'accord, franchement c'était un petit peu le même retour pour moi. C'est vrai que on sent qu'ils ont voulu vraiment travailler sur les nains, sur effectivement du coup on retrouve des textures, des motifs aussi, surtout dans les architectures des bâtiments. Bah oui, qu'on a déjà vu dans pas mal d'autres endroits. Après, comme tu dis, ça va peut-être changer, donc on verra. Effectivement, j'ai été un peu pas déçue, mais je trouve qu'on n'en prend pas plein les yeux comme on pouvait forcément s'attendre. Mais bon, après je suis pas fana non plus de tout ce qui est nain, donc je me dis que je suis peut-être pas meilleur public pour ce genre de trucs. Mais voilà. Après, il faut espérer qu'au niveau contenu instancié, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec 10, quand on est allé ouvrir la tombe de Thorin et Kutchen, oui. Qu'ils aient fait des petits trucs comme ça, où c'est un peu plus travaillé, parce que là, pour le coup, c'était joli. Mais c'est vrai qu'après, dans le paysage, dans ce qu'on peut explorer, bon, on n'est pas... Ouais, c'est ça. Après, on entend aussi un petit peu que la récupération, notamment de textures, etc., on l'entend un peu hein, sur les forums, on le voit pas mal, qu'elle est un peu nécessaire dans le sens où, on le sait, hein, le moteur graphique du jeu et tout, ça devient très compliqué, et que pour éviter peut-être aussi de laguer, d'ajouter encore de nouveaux contenus, de créer quelque chose d'entièrement nouveau, pourrait être presque problématique non, pour le jeu, quoi. Alors effectivement, il y a pas mal de retours qui disent que la nouvelle zone est un peu laggy. Après, ils ont fait un truc vraiment pas mal sur la mise à jour précédente qui était Esgaroth, la ville du lac, pour lequel ils ont récupéré, si on regarde bien, pas mal de contenu du Rouen au final, qu'ils ont retravaillé et qui par contre donnait vraiment une vraie vie, une vraie atmosphère, un vrai truc. Quand tu es habitué à l'outro, tu sais que c'est du Rohan ressucé, hein, en gros, oui. Enfin retravaillé. C'est ça. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit peu la même chose avec les nains, mais bon, voilà, c'est pas le choix qui a été retenu. Ouais, en tout cas, voilà, on voit comment ça évolue pour la suite, c'est pas du tout définitif, etc. Et il y a peut-être des surprises d'ailleurs qui vont, comme tu dis, des petits trucs instanciés, des choses assez sympas. On n'a pas visité non plus l'intérieur des instances, et j'ai cru lire sur Job justement, il n'y a pas plus d'une heure, que c'était très joli à l'intérieur. Donc, on en parlera sûrement plus tard de ces instances, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas trop les billes. Mais en tout cas, au niveau de l'ambiance, il paraît que c'est plutôt joli, c'est plutôt bien retranscrit. Donc, à voir. Ok, donc pour l'ambiance générale, on va dire, de la zone, on passe au sujet 2, si tu veux bien, qui est un sujet fâcheux. Allez. Ah, déjà que le 1 l'était du coup un tout petit peu, mais légèrement. Là, un peu plus. La question que j'ai envie de te poser, c'est farm ou pas farm? Non, alors pour préciser un petit peu quand même, on sait que sur l'Otro, depuis quand même quelques temps, les joueurs se plaignent parfois du farm important qu'il faut faire. Donc pour avoir un bon stuff, un personnage optimisé d'une façon générale, après c'est quelque chose qui traîne en longueur depuis des années, hein, même avec les traits de vertu qu'il faut refaire sur tous les personnages. Il y a eu le système de ramassage de fleurs qui a été implanté en Ithilien du Nord, je crois. Il y a eu les cendres avec le Mordor, les quêtes journalières, les instances répétables. Bref, ça fait beaucoup pour les joueurs en tout cas. Est-ce que ça va changer avec cette mise à jour? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, j'ai pas pu bien regarder, bien évidemment. Ils avaient annoncé que ça allait changer. Alors après, est-ce que c'est un changement? Oui. Je C'est pense, difficile comme ça de répondre, ouais, je de ce pense. que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a moins de pièces disponibles immédiatement. Je crois que j'ai vu des épaulières. Du coup, j'ai l'impression qu'ils vont plus rajouter ça au fur et à mesure, plutôt que faire comme ils ont fait sur les mises à jour précédentes. Hop, implémenter un set Un complet à système, telle oui. mise à jour qui est rendu obsolète à la mise à jour X précédente, lui-même rendu obsolète. Et c'est vrai que pour le Mordor, on a eu je ne sais pas combien de sets. Quand on voit le marchand de cendres, il y a des fois, Oui, enfin, on moi je s'y trouve que perd un c'est peu, hein, ouais, voilà, c'est déjà. Ouais, moi je m'y incompréhensible. perds, ouais. Du coup, je pense qu'ils vont essayer de plus lisser là-dessus. Du coup, au niveau des petites infos que moi j'ai réussi à récolter un petit peu à droite à gauche en espérant ne pas dire de bêtises, j'ai entendu dire qu'il fallait monter les legs de 5 niveaux au 120. Donc quelque chose de pas excessif à mon goût, voilà. Ouais, c'est Pas 5 mal. niveaux. Alors, j'ai peur de dire des bêtises. Il me semble que c'est 3 gratuits. Enfin, 3 gratuits. 3 D'accord. offerts par le jeu. Et 2 qu'on doit faire nous-mêmes. Il y aura un nouveau level up des armes légendaires avec le raid, à la sortie du raid. D'accord, alors qu'est-ce que tu entends par level up pour pareil pour les legs, quoi, finalement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle montée de niveau avec le raid. Au niveau un petit peu du farm, ou du moins des choses qui embêtent un petit peu les joueurs, il y a ce système de cendres qui a l'air un petit peu de se poursuivre. Enfin, on ne sait pas trop, certains parlent d'un nouveau système qui serait semblable, mais qui rendrait obsolète l'ancien. Moi, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, je ne sais pas si tu sais plus de choses sur les cendres. Alors effectivement, les cendres qu'on utilise actuellement sont pas utilisables pour le nouveau stuff qui est proposé puisque ça a D'accord. légèrement changé de nom. Alors pour nous, côté francophone, absolument pas. Mais pour côté anglophone, c'est passé de Ash de Gorgoroth à Mot D'accord. of Gorgoroth. Du coup, tout le monde hurle sur les forums. Cordovan découvre un peu ça et dit qu'il va se renseigner. Alors, D'accord. deux options, soit effectivement il change et effectivement tout le monde aura le droit d'hurler, Oui. soit après c'est une subtilité de développement, puisqu'il y a des fois il développe le truc un petit peu différemment et après il le rattache à ce qui a déjà été développé. Donc il faut voir, j'espère qu'on aura une Oui, réponse en tout relativement cas, ça rapide. risque de changer. Enfin, si c'est, enfin, oui, le problème, c'est que s'ils rendent obsolètes complètement les cendres que des personnes ont farmées, mais par vraiment par quantité astronomique, là, ces 6 derniers mois, ça va effectivement hurler, mais de partout. Donc, c'est un gros risque, à mon sens, qu'ils prendraient, et peut-être pas forcément le plus judicieux. Mais on verra ce que ça donne. Il y avait aussi la question des coffres, enfin des fameuses clés noires, plutôt, en fait. On a parlé que les coffres continueraient d'être là pour cette mise à jour, et du coup les clés aussi, mais que d'ailleurs les clés, on pouvait les obtenir moins souvent qu'auparavant, sauf bien sûr en passant par le store où là c'est limité. Donc est-ce que tu sais un peu plus de choses là-dessus, ou est-ce que ce sont juste des rumeurs ou des choses non vérifiées? Alors, Cordovan a dit que, de ce qu'il pensait lui, mais qu'il faudrait vérifier avec les devs, Oui. il n'y avait pas de changement de taux de loot pour la clé. D'accord. Après, les clés au store ont été, je pense, très très rentables pour le jeu, hein. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que beaucoup sont passés par là. Faut Oui. pas se leurrer, si effectivement il continue ce système-là, c'est que Oui, enfin, ça a fait rentrer du cash. Hein, et très c'est. clairement, pour un petit studio comme ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est très rentable, oui, je pense. Donc, on en reverra peut-être sûrement pour la suite. Oui, donc voilà, c'était tout pour un petit peu les questions sur le farm. C'était un sujet un peu fâcheux, donc on va repartir sur quelque chose de plus joyeux pour le troisième sujet, qui est le nouveau tiers d'artisanat. Donc, pas tant de choses que ça à dire dessus, hein. C'est un sujet très très court parce qu'on n'a pas tant d'infos que ça. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il s'appelait la crevasse de fer. Du nom Oui, c'est de, ça. je ne sais pas trop du nom de quoi d'ailleurs, tu sais, je sais pas. Non, mais ça doit être dans les montagnes de fer, Ça donc doit je être pense une que région. c'est raccord. Hein. En plus, sur les premières méthodes qu'on a là, qui sont directement accessibles, c'est du matos classique. Après, comme d'hab, ils vont rajouter des éléments qui vont se looter, qui sur les instances ou qui sur le raid, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Oui, donc moi j'ai vu effectivement des recettes auprès du PNJ de réputation, là, d'une des premières zones. Bah, c'est un nain qui nous vend ça. Ça coûte pas très cher en jetons et on a des. Ouais, on a l'air d'avoir des choses intéressantes, hein, des items. Enfin, comme un petit peu dans le Mordor, on avait des bijoux, des choses voilà, qui peuvent dépanner, qui peuvent être sympas à crafter pour débuter au niveau 120. Donc voilà, des recettes visiblement disponibles contre des jetons de la zone. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour l'artisanat. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, la crevasse de fer, c'est le niveau 12, je crois, le tiers 12 d'artisanat. Voilà. Je te propose, Kels, de faire une petite pause publicité. Ne bougez pas, à tout de suite. Ce mois-ci, profitez d'une. Par la barbe de Taurine. Ce mois-ci, profitez d'une promotion exceptionnelle sur la bière au mithril. L'arôme naturel et puissant d'Amaltz allié à la délicieuse mousse saupoudrée de mithril luisant à la lumière de la lune. Un must drink. Ah. C'est tellement bon après une journée intense et épuisante de quête en Lothlorienne. Un souffle d'espoir et de fraîcheur pour un futur promettant encore plus de richesse. Oups, ce n'est pas dans le script ça. Tout aventurier digne de ce nom mérite cette bière. N'attendez plus et venez faire une commande. Trois packs de une bière pour le prix de toi. N'attendez plus, c'est une affaire. Et nous sommes de retour pour la suite de l'entretien avec Kaels. Nous parlons de la mise à jour 23 sur la bêta. Nous avons parlé du nouveau tiers d'artisanat, du farm qu'il allait falloir faire dans la nouvelle zone, ou pas farm d'ailleurs, et un petit peu du décor et de l'ambiance. Nous continuons donc avec le quatrième sujet, qui est un sujet fâcheux. Enfin, Encore? fâcheux, bon, non, pas vraiment, mais qui concerne en tout cas les statistiques de nos petits personnages, puisque du peu que j'ai vu, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Donc, fâcheux, oui et non, disons qu'il va falloir se remettre un petit peu, je pense, dans les chiffres, dans les pourcentages et dans les courbes, parce qu'il y a beaucoup de changements dans les courbes, paraît-il. Mais ça peut être une bonne nouvelle, on verra ce que ça donne, j'avoue que je n'ai pas encore tout testé. Mais on a vraiment l'impression, en tout cas, que les devs, ils veulent donner un grand coup de pied là-dedans. Dans les notes de version qui ont été publiées, on savait qu'on passait de valeur de maîtrise qui allait jusqu'à 400% et que c'était ramené à D'accord. 200%. Pour le reste des stats, non, ils n'avaient pas trop communiqué là-dessus. Il y a Vastine qui a fait un petit post en fin d'après-midi, mais j'ai pas eu le temps de trop D'accord. le Ok, bah décortiquer, on se où renseignera. effectivement il explique un petit peu les changements là-dedans. D'accord, donc moi, si je peux donner mon avis, franchement, alors pour les statistiques purement DPS, donc la maîtrise dont tu parles, je pense que c'est une excellente idée. Alors après, je me trompe peut-être complètement dans le sens où j'ai pas vu ce que ça donnait sur le terrain. Mais je trouve que malheureusement, depuis quelques années, on était un petit peu dans l'escalade, un petit peu, tu sais, ça monte, les stats, ça monte, on sait plus à un moment où on va avoir. Ouais, 100 000 PV, et on va donner des coups à 8 millions d'un coup comme ça. Et ça, j'avais peur que ce soit un peu exagéré, un peu étouffant pour le jeu. Alors après, je pense qu'il y aura des déçus, hein, voilà, c'est sûr. Mais oui, moi je suis un peu nostalgique, tu sais, de l'époque où on avait 2000 points de vie grand max et puis on tapait tout, tu sais, avec des petits, voilà, des petites statistiques. Donc je trouve que c'est pas mal quand même qu'ils changent à, enfin, qu'ils cherchent, pardon, à ralentir un petit peu la montée des grands chiffres. Là, ça s'envolait un petit peu. Voilà, à voir ce que ça donne. Je sais pas dire actuellement si on va vraiment taper plus ou moins fort, c'est très très difficile à dire. Alors, a Ou priori, si de ce qui a été dit par Vastine, on va taper moins fort, mais les mobs de la zone seront également moins forts. moins fort, voilà, Du c'est coup, ça. théoriquement, en temps pour tuer un mob, on ne devrait pas vraiment voir de différence. Mais effectivement, les stats changent pas mal. Moi, je vois, pop, pop, pop, en maîtrise tactique, par exemple, là, je suis passé donc à 205%, alors que j'étais, je crois, sur la live. Je dis ça de mémoire, je peux dire une grosse bêtise, mais là, Oui, bien sûr. 372, un truc comme ça. Donc, effectivement, ça change pas mal. Après, donc c'est Vastine qui s'occupe de ça. Vastine, c'est un gars qui a quitté le studio Turbine après la sortie de la Moria, qui est revenu au moment où c'est devenu SSG, et qui a trouvé que les stats des personnages étaient vraiment trop exponentielles, D'accord. et que tout avait été fait un petit peu en plus à la louche, puisque comme ils n'avaient pas changé les modes de calcul de stats, etc., etc., entre l'arbre de traits, enfin, tous les changements qu'il y a pu y avoir, ils ont fait un petit peu du bricolo-bricolette. Et du coup, à chaque fois, ils changeaient un petit peu les stats. Bon, allez, hop, Jean-Claude, rajoute un petit peu de truc, machin, tu rajoutes un petit peu de ça, allez, nickel. Et c'est pour ça notamment qu'ils avaient des problèmes d'équilibrage notamment en PVP, Oui, puisque ça, du c'est coup, sûr. les monstres n'avaient pas la même courbe. Que là, de ce qui nous a été dit, il devrait y avoir un changement sur les armes légendaires en 2019, que du coup, ils avaient du mal à changer également. Parce que tout prenait toujours plus, plus, plus, et qu'il fallait revenir à un mode de calcul un petit peu plus rationnel. Donc, a priori, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On revient un petit peu sur le mêlée, sur la modification du mêlée qui a fait tant parler, où on avait un mêlée qui jouait très hautement sur deux touches hein, Oui, pour traîner son groupe, clairement. et qui est revenu à un truc un petit peu plus niveau 60-65. Tout ce qui était Isengard, tout ça, et où il faut un peu plus jouer sur les compétences, un peu plus où c'est un peu où il y a un peu plus de challenge en fait. Oui, après, ce n'est que mon avis, mais je le trouve encore un peu, bon, un peu facile, quoi. Un peu quand tu compares avec les autres soigneurs du jeu, bon, on sent qu'il y a quand même un petit fossé. Mais c'est déjà un premier pas et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je suis bien contente qu'ils fassent aussi ce travail-là pour les DPS parce que l'air de rien, je pense que passer de 400% à 200% pour tout le monde, ça va faire un petit peu mal, un peu mal à l'ego là, ça va faire un peu mal aux parts. Donc voilà, après c'est, je pense comme tu dis, c'est parfaitement proportionnel à ce qui se passe au niveau 120 par rapport au point de vie des mobs, par rapport à la difficulté aussi qui est proposée sûrement dans les instances, ça on verra par la suite. Mais moi ça me paraît en tout cas très logique et c'est vraiment un truc que, ouais, que j'apprécie dans bah, de la part du développeur dont tu parles, qui ouais, je suis parfaitement d'accord avec ce monsieur. Voilà. Et après, l'avantage à long terme, ça veut dire que si ils s'embêtent maintenant à faire ce changement qui leur prend du temps, qui leur prend des ressources, enfin tout ça, ça veut dire qu'ils s'inscrivent vraiment dans un développement encore à quelques années pour ce cher Lotro qu'on dit mort depuis, je crois qu'on Certes. dit depuis que je suis sur Jol qu'il va Ça mourir. fait quelques années. Oui, effectivement. On passe au sujet suivant, qui est le sujet 5, du coup, si je ne me suis pas perdue dans mes petits papiers, qui concerne les instances. Donc, plutôt un sujet sympa, puisque bon, on est content, généralement, hein, de voir arriver deux nouvelles instances. Trois instances, deux instances à trois joueurs, c'est ça, et une pour six. Je me trompe? Et non, c'est ça. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des instances qui étaient solotables, ou du moins qui étaient prévues avec un mode solo. Est-ce que c'est toutes les trois ou est-ce que c'est un truc spécial? Ah, de ce que j'ai lu, c'est toutes les trois. Enfin, c'est toutes, parce qu'il y aura, il y a trois instances d'artisanat. Il y D'accord. a trois instances classiques qui devraient théoriquement arriver après, mais la communication n'a pas été très claire là-dessus. Ah, donc ça, par contre, je ne le savais pas, je me permets. je pensais que les instances classiques sortaient avec cette mise à jour, tu vois. Donc déjà, j'étais pas. Faut que je vérifie en faisant, non, mais il me semblait qu'il y avait trois trucs d'artisanat, trois trucs après, mais ils ont eu une communication un peu fluctuante entre ce que disait Cordovan, qui est toujours très prudent sur ce qu'il dit, et ce qu'a dit Vastine, qui dit toujours beaucoup de choses, mais des fois, il y a des petites boulettes. Je comprends pas bien, moi, le concept des instances solo. Est-ce qu'il y a une raison? Je sais pas, je comprends pas. Alors, je crois que c'est sur son dernier stream, Cordovan dit que quand il regarde leur base de données, effectivement, le jeu à plusieurs, ça marche. Effectivement, le raid, ça a permis, c'est pas ce qui marche le mieux sur l'autre, mais ça permet de garder une certaine population. Okay. Mais la majorité de la population qui joue, c'est du casual tranquillou bidou, et qui aime faire le contenu tout seul. Et c'est pour ça qui démultiplie un petit peu ces instances, donc de manière classique, 3, 6, mais également solo. Ok, bah du coup, avec cette explication, on peut parfaitement comprendre. Par contre, il faut aussi que ça justifie niveau loot. On suppose qu'en solo, on n'a pas les mêmes loots que quand on part à 6 et quand on... Enfin voilà, je suppose qu'il y a quand même la part des choses entre les deux, quoi. Alors, je pense aussi, mais il est arrivé qu'on ait des surprises. Donc je ne serai pas formé là-dessus, mais oui, théoriquement, oui. Et comme de toute façon, ils ont annoncé un nouveau système, ils ont retravaillé le système des instances, on n'est plus sur du T1, T2, T2 défi, mais sur du T1, T2, T3. Le T3 remplaçant le T2 défi, je pense que c'est pour arriver à faire un système une table de loot à peu près différente entre les trucs. Et ce qui amène à la création du T3, essentiellement, c'est des problèmes qu'on a pu rencontrer sur le dernier raid, et notamment sur l'attribution de l'original challenger. D'accord. Donc voilà, petit clin d'œil. On va enchaîner sur un autre sujet qui est tout aussi important, peut-être même plus, parce qu'il va concerner absolument 100% des joueurs, ce sont les quêtes. On n'en a pas parlé. Du coup, moi, j'ai fait absolument aucune quête sur la bêta. J'en ai fait zéro. Est-ce que toi, tu as pu en tester quelques-unes ? Eh bien non, pas du tout. D'accord, donc on est bien. On est bien là. Bon, j'ai quand même entendu des choses, peut-être toi aussi, donc je vais dire très vite ce que j'ai entendu dire. A priori, c'est absolument comme d'habitude, donc aucun changement majeur sur la façon dont les quêtes sont amenées, il n'y a pas de quête particulière, c'est parfois un petit peu dans les petites critiques, quelques quêtes un peu FedEx, comme on dit, aller-retour, des choses pas forcément, bon après c'est sympa, on voit du paysage, hein, faut voir les bons côtés. Après on a aussi parlé d'une quête d'exploration, entre guillemets, avec des sortes de petites énigmes pour trouver des lieux sur les nouvelles zones, sur les deux nouvelles zones, donc à voir ce que ça donne. Je sais pas encore. Après ça, c'est possible puisque quand ils avaient fait, j'ai plus le nom en tête, la petite quête sympathique avec plein d'énigmes, ils avaient dit qu'ils referaient ce genre de truc. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, oui, c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc ouais, c'est pas impossible. Après, ce qui a été il y a deux trucs qui ont été annoncés. Il y a sur le patch note 100 quêtes. Et prouesse dans le truc, dans la nouvelle zone. Et Vastine avait annoncé 80 quêtes. Donc je pense qu'on est sur 80 quêtes classiques. D'accord. FedEx et une vingtaine de prouesses et autres petites choses dans la zone. D'accord. J'en demandais pas plus. Le seul truc qui change sur cette bêta, c'est que le livre épique est implémenté, alors que dans les autres, ils le gardaient plus ou moins secret. Ah oui? Bah écoute, moi en tout cas, j'ai réussi à prendre la quête. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui. D'accord, très bien. Un sujet maintenant très, très, très plaisant. Enfin, moi qui me fait plaisir, hein, je sais pas toi, mais un nouvel instrument en jeu, le basson. Alors, je n'ai pas vraiment de questions spécifiques dessus. Hein. On suppose que c'est une attente de la communauté, que ça fera des heureux, que ça vient des joueurs. Hein. Après, pourquoi le basson plutôt qu'un autre? Je sais pas si tu as l'info. Alors, je pense qu'ils ont vraiment des problèmes d'accord entre les différents instruments entre eux. Il y a qu'à voir le violon, où ils ont été obligés de sortir, je crois, il y a trois versions, je crois, du violon. pour que chacun ait une sonorité, machin, troupignon. En plus, il trouve une oreille vachement attentive avec Dark Celtic qui développe ça, parce qu'il est lui-même musicien, il a fait pas mal de musique de la mise à jour 22, il va faire les musiques de la mise à jour 23. Donc voilà, ils ont une oreille plutôt attentive là-dessus, tous les musicos du jeu. Et je pense qu'ils sortent cet instrument-là pour qu'il s'accorde avec tous les autres qui sont déjà sortis. Alors moi, j'ai testé ce matin le basson. Alors, c'est très mignon. C'est très mignon. Mais alors, j'ai pris ma hobbit. Hein. Alors, le personnage, il louche un peu sur le tube du basson parce que, tu sais, le basson, c'est grand. Enfin, ça va un peu entre les yeux, là. Alors, voilà, mais c'est très mignon. Donc, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est une petite pause musicale avec un extrait de musique au basson. On continue avec le prochain sujet qui est justement tourné autour des cosmétiques. On a parlé un petit peu des instruments, on a parlé des quêtes, on a parlé des instances, des statistiques, on a parlé au tout début de l'artisanat, est-ce qu'on allait devoir farmer, et du décor général. Et donc on continue avec les cosmétiques. Alors dans les cosmétiques, j'englobe un petit peu tout, les nouvelles décos de maison, qui sont pas vraiment des cosmétiques du coup, mais voilà, un petit peu le côté fashion, quoi. Les tenues qu'on a pu croiser un petit peu, le style vestimentaire, et puis les nouveaux avatars de Hobbit. Du coup, ce matin, j'ai essayé de fouiller un peu à droite à gauche comme j'ai pu pour trouver de nouveaux cosmétiques. Et j'en ai trouvé. J'ai trouvé des tenues. Je sais pas si tu les as vues, Kels, dans un style un peu nain, comme toute la zone d'ailleurs, au PNJ de réputation. Alors j'ai vu vite teuf, mais j'avoue que je m'y suis pas vraiment attardé plus que ça. Franchement, on va pas s'y attarder effectivement toute la journée. Honnêtement, je les trouve pas jolies du tout. Je suis désolée. Je vous mets les images. Hein, je mettrai les images. Mais c'est très nain. C'est très. Je n'aime pas. Voilà, c'est dit. Après, je pense que ça fera des heureux. Donc il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, c'est vraiment des tenues d'ornementation. Donc c'est pas du tout des trucs de stats. C'est vraiment. Ils ont prévu des petites tenues d'ornementation au PNJ Réputation. Il y en a sûrement d'autres un petit peu ailleurs dans la zone. Il paraît aussi qu'on peut en loot des tenues dans les coffres. Donc je suppose les coffres qu'on ouvre avec les clés noires, c'est ce que j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, je ne sais pas si tu as vu ça quelque part aussi. Il me semble aussi, ouais, l'avoir lu. D'accord, ouais, il me semble que, ou, et peut-être aussi des décos de maison, comme ça se faisait déjà au Mordor, mais en tout cas des tenues, ce qui serait un peu nouveau, à mon sens, je crois, oui, ce serait nouveau. Donc Après, il me voilà. semble avoir vu dans la BDD qu'ils avaient mis pas mal de haches en D'accord, ah oui. ornementation. Mais je pense que pour les décos, enfin, je me t'ai posé la question, où est-ce qu'on peut trouver les visuels? Parce que moi, du coup, je les ai pas. Mais je pense honnêtement qu'il faudra se rapprocher du site Déco du Milieu. Je pense qu'il y aura toutes les images très vite. Et puis, voilà, vous aurez toutes les infos dessus. Parce que moi, j'ai pas les images pour les décos de maison. Et du coup, il y a aussi le changement sur les Hobbits. Donc, moi, j'ai pu tester aussi, mais que sur les Hobbits filles. Puisque je n'ai pas de hobbit masculin, donc je ne peux pas du tout vous dire à quoi ça ressemble sur les garçons. Pour les filles, honnêtement, je trouve que ça adoucit un petit peu les traits, ce n'est pas du tout désagréable à regarder. Il y a eu un travail sur les oreilles aussi qui est plutôt sympa. Ouais, ça a un petit peu, j'allais dire, dépixelisé, je ne sais pas si c'est du français ou pas, mais on sent que voilà, ça a vraiment lissé parce qu'il y avait des zones un petit peu triangulaires, un peu bizarres. Et voilà, là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, c'est très très joli. Il y a eu un petit travail aussi sur les ombres, donc sous les yeux, au niveau des sourcils, etc., qui font un petit côté ouais make-up un peu, on dirait sur certains trucs un peu du maquillage. Après honnêtement, je suis pas allée voir le barbier pour tester toutes les possibilités, ce que ça donnait sur les visages. J'ai juste fait pardon des avant-après sur mes personnages. En état. Donc pareil, je vous mets les images et puis voilà. Donc elle, c'est ce qu'on disait, pas de grand changement, en tout cas pour l'instant, pour les Hobbits. Non, comme on disait tout à l'heure, et j'ai l'impression de faire ma youtubeuse beauté, mais oui, c'est un petit peu un travail de make-up, ils ont un petit peu adouci certains trucs, mais enfin, c'est à peu près le même travail sur les persos masculins et féminins, D'accord. mais oui, effectivement, je pense qu'ils ont tellement peur de toucher à cette race qui est vraiment la plus réussie, à mon sens. Ce qui fait que, du coup, vu que c'est à peu près les mêmes modes de calcul, il y a peu de changements également sur les nains. Ça. En plus, là, sur Bull, ils n'ont pas implémenté les nouvelles coiffures, il me semble. Du coup, Non. En tout cas, moi, je les ai pas oui. vus non plus, donc je crois pas. C'est vraiment un premier essai, à voir. Voilà pour l'essentiel des nouveautés cosmétiques. Il y a quand même pas mal de petites choses. Bah, on va quasiment conclure avec. J'avais une petite question un peu plus générale où je pense que tu sauras bien me répondre. C'était un sujet autour de bah, comment bien préparer cette mise à jour en fait avec des questions un peu diverses mais qui permettent un peu bah, des fois en live ça fait plaisir de préparer un peu de stocker du matériel pour être bien prêt pour cette mage et je m'étais demandé notamment s'il fallait mettre bah, justement des objets de côté peut-être des tomes de réputation des clés noires des cendres est-ce que c'est quelque chose que tu sais ou pas? Alors, des tomes de réputation, oui, puisqu'il y a une nouvelle réputation D'accord, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, auprès des nains. Les clés noires, du coup, on ne sait pas trop, oui. Ouais. puisqu'on est en attente de la réponse de Cordovan, à savoir si tout change ou pas trop. Sinon, quelques parchemins de prospection d'Amphalas pour les armes, bien évidemment, quelques cristaux Oui. également. Est-ce qu'on doit l'acheter, cette mise à jour? Est-ce qu'elle a un prix? Alors, on doit l'acheter, elle l'a pas enfin quoi que maintenant elle doit avoir un prix sur Bullroar. Théoriquement c'est le prix classique qui est de, j'ai 700, non, peur c'était de pas ça me dire trompe. des bêtises, 795 Voilà, points ok. SDAO D'accord, mais et gratuit pour les gratuite VIP. pour les VIP bien Voilà. évidemment. Ok, donc ça serait a priori comme d'habitude, comme une petite zone qui sort. Ok. Je voulais juste noter aussi que ça n'a pas grand rapport avec la préparation de la mise à jour, encore que c'est toujours bon de le savoir. C'est un peu dans les trucs divers. On obtient deux points de classe dans cette zone, donc un lorsque l'on passe niveau 20 et un autre pour la fin de l'épique. Voilà, c'était pas vraiment une question, mais je le note pour tous ceux qui ne le savaient pas. Enfin bon, je pense qu'on a un peu parlé de tout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose qu'on aurait oublié. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Alors, oublié, non. On parlait beaucoup de la mise à jour 24 en disant que ce serait Minas Morgul, puisque c'est ce qui D'accord. nous avait été un petit peu vendu. Sur les dernières interviews, notamment de Severlin, le producteur exécutif, il n'est pas sûr que ce soit ça. J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être un autre pan des montagnes grises avec la mise à jour 24, hein, notamment le mont Gulnabad. Bref, c'était une première ébauche de la mise à jour à venir sur la bêta. Donc, il y aura sûrement des ajouts et des modifications, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on connaît la date de sortie d'ailleurs, Kael? Je ne t'ai pas demandé. Pas du tout. Fin de l'été, du coup, on est sur du mi-fin septembre. Très bien, c'est noté. On prend le rendez-vous. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ta participation, Kael. Et merci pour avoir répondu du mieux que tu pouvais à toutes nos questions. Voilà. J'espère qu'on pourra se revoir à l'occasion, hein, parce que c'est toujours sympa. Puis bon, t'es quand même le rédacteur en chef de Jol Lotro, donc nous, c'est un honneur, un plaisir. Je t'envoie on le est contents, quoi. Déjà la fin de cette première émission un peu spéciale. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée. Azachou et Pomme d'Épi organisent le samedi 25 août à 15h une nouvelle animation, à la recherche du cylindre. Au rendez-vous, un peu de mystère, et beaucoup d'énigmes. Alors rejoignez-nous devant le poney fringant ce samedi 25 août. Info et inscription sur le site de la troupe d'Azapi et sur le Red Planner.